on a vu que le parterre avait été transformé en potager. Mais il reste l'agréable. C'est ce lieu retiré dont Julie fait sa promenade favorite et qu'elle appelle son Élysée. C'est un ancien verger, transformé par ses soins en jardin à l'anglaise. Saint-Preux reste seul, rêve à l'amour et à la vertu dans ce jardin, Julie. Cependant, M. de Volmar forme un audacieux projet. Il a s'absenté de Clarens, laissé Julie et Saint-Preux en tête à tête. Ils amènent donc pour leur raconter sa propre vie dans le bosquet du baiser, car il n'ignore rien des amours de Julie de Saint-Preux, et c'est lui qui possède leur correspondance. Il se flatte qu'une confession sincère gardera de la tentation les anciens amants. Dans sa lettre à Claire, il justifie son projet. Saint-Preux n'est point épris de Julie de Volmar, mais de Julie d'Étanges. La femme d'un autre n'est point sa maîtresse. La mère de deux enfants n'est plus son ancienne écolière. Il l'aime dans le temps passé. Ôtez-lui la mémoire, il n'aura plus d'amour. Quant à Julie, elle reste un mystère. Un voile de sagesse et d'honnêteté fait tant de replis autour de son cœur qu'il n'est plus possible à l'œil humain d'y pénétrer. Ce qu'il faut, c'est effacer à nœud un tableau par un autre, substituer à celui de l'amour, celui de l'amitié.